temps de gisement, d'anéantissement. Pas besoin de jouer la Marseillaise, on va tout de suite se mettre à l'aise. La nature est la plus belle des parures, mais bien sûr elle devient tas d'ordures. C'est facile de faire le plein pour 10 000, mais moins agile de réparer ce qui est destructible. D'autres jettent les poubelles dans les mers, autant nous poignarder par derrière. Réagissons, ont-ils toutes leurs raisons? Dis pardon et je te prends pour un con. La nature c'est pas une ordure, faut tout faire pour la verdure. Mais j'ai pas de leçons à donner à ces cons. Ce que je sais c'est qu'on perd la raison, car sans destin voilà notre chemin. Parmi ces crétins qui doivent prendre ça en main, on s'en peut rapproche cette horreur. Puis en quelques heures le feu se meurt. La folie peut couper des arbres en Amazonie, il y a du gâchis par ici comme aux États-Unis. L'homme n'est bon qu'à construire sa destruction. Parmi tant de questions, où est-ce que nous allons? Il faudrait s'occuper un peu de ce sujet. Détruisez le progrès avant qu'il vienne me baiser. Laissez les armes, pour plus qu'il y ait de larmes. Je préfère le charme de ma petite femme. Je préfère le charme de ma petite femme. Tant de gisements, d'anéantissement, rendant croyants pourtant certains gens. Mais le meilleur des mondes se meurt, car son ampleur a une sale odeur. Mais c'est sûr que c'est pas une nouvelle. L'essence du ciel est essentielle. Mais c'est sûr que c'est pas une nouvelle. L'essence du ciel est essentielle.